Je suis né dans la poussière. Je marche nu sur vos plages. Russe m'appelle et j'apporte les orages. Je taille le bois, j'empile les pierres. Sous le ciel rouillé, je bâtis mes prières. Les tours d'Olric brillent comme des mirages. Et je suis cowboy d'acier, pas un mirage. J'ai vu vos bases trembler dans la nuit, vos coffres sauter, vos rêves enfuis. Chaque C4 résonne comme un canon. Far West de roue, je prends possession. Riders kill, cowboy de feu. Vos clans s'effondrent, vos cris sont creux. Dans le je frappe, dans la poussière. Un roi sans pitié, un shérif de fer. Tunnel militaire, je guette vos pas. L'ombre me cache, mais la mort me voit. Je fais parler la poule, je fais parler la loi. Un cowboy perdu, mais le dernier roi. Charge la dynamite, prépare le feu. On casse le rêve, on prend leur lieu. Deux voix qui grondent, deux ombres liées. Russe déteint des airs, et nous cavaliers. Riders kill, cowboy de feu. Vos clans s'effondrent, vos cris sont creux. Dans le je frappe, dans la poussière. Un roi sans pitié, un shérif de fer. Vos flammes s'éteignent, vos âmes dérivent. Chaque tir perce comme une rive. Cowboy de rouille, prophète ancien. Je suis votre fin et votre chemin. La nuit s'étend, vos cris se brisent. Le feu s'installe, la peur s'aiguise. Un vieux cowboy dans un monde sans fin chante la roue et boit son vin. Riders kill rang, cowboy de feu. Vos clans s'effondrent, vos cris sont creux. Dans le je frappe, dans la poussière. Un roi sans pitié, un shérif de fer. J'étais cowboy hier, je suis russe d'aujourd'hui. Riders kill survit, et tout s'enfuit.